Cinquième chapitre, la lettre. L'année 1596 venait de commencer, et jamais année ne fut aussi calamiteuse en Cornouailles, à cause des pluies continuelles qui ne cessèrent de tomber et qui, en détruisant les moissons, plongèrent le pays dans une affreuse misère. Le plus puissant chef de la Ligue, le duc de Mayenne, venait de faire sa soumission au roi de France. Mais malgré cet exemple, Mercœur tenait bon et cherchait à gagner du temps en faisant espérer que bientôt il mettrait bas les armes. Cette pensée était bien loin de son cœur et il n'avait pas renoncé à ses projets ambitieux sur la Bretagne. De son côté, le roi était obligé de feindre, de peur que Mercœur ne livrât aux Espagnols les places dans lesquelles il commandait encore. Ses réflexions l'amenèrent à conclure avec lui une trêve qui devait se prolonger jusqu'au mois d'avril de cette année. Désireux aussi de faire cesser la guerre civile et de mettre un terme aux maux de la Cornouaille, Henri se décida à envoyer auprès du duc le maréchal de Lavardin, qu'il savait être à la fois un excellent diplomate et un esprit conciliateur. Il espérait beaucoup de cette dernière tentative et il avait recommandé à son général d'essayer en même temps de faire rentrer la Fontenelle dans le devoir en lui promettant son pardon s'il consentait à se soumettre. Comme Lavardin l'avait annoncé à son cousin Amaury dans une de ses lettres, il arriva peu de jours après à Beaumanoir. Mademoiselle de Loquevel, qui pendant la durée du siège de Douarnenez avait tant souffert en songeant aux dangers que courait Dugranec, éprouva une grande joie de l'arrivée du maréchal. Elle se flattait que la Fontenelle s'amendant, le bonheur renaîtrait dans le cœur du baron de Beaumanoir. Le lendemain matin, pendant que celui-ci s'entretenait avec le maréchal de l'enlèvement de l'héritière de Mézarnoux et des autres perfidies de Guy Hédère, une lettre venant de Quimper lui fut remise. À peine Beaumanoir en eut-il lu les premières lignes qu'une pâleur effrayante se manifesta sur son visage. Bientôt son émotion fut si grande qu'il pria Lavardin de vouloir bien lui donner lecture de cette lettre qui était de Dugranec. Voici ce que disait cet écrit. « Mon cher baron, à peine rentré au château paternel, j'ai cru devoir me rendre à Quimper auprès de la respectable famille Tréphilis. Cette pénible visite m'était imposée par l'étroite amitié qui existait entre moi et le lieutenant de Sourdéac. Peu de jours après mon arrivée, je sus que Saint-Luc, qui commandait ici, avait été informé que la Fontenelle entretenait des intelligences avec le capitaine Leclou de la garnison de Quimper et que celui-ci, pour être plus près de l'île Tristan, s'était établi avec sa compagnie au manoir de Kerguelenin. Il est vrai que quelques personnes affirmaient que le but de Leclou était de resserrer votre frère pour l'empêcher de faire des courses dans la campagne. Saint-Luc, peu confiant dans le caractère de Leclou, le fit arrêter. Mais ce capitaine lui déclara que s'il avait eu des entrevues avec Guy Hédère, c'était pour l'attirer dans un piège, et que si on voulait lui rendre la liberté, il faisait le serment de conduire bientôt à Quimper le terrible ligueur pieds et poings liés. En entendant ces paroles, Saint-Luc renvoya le clou à Kerguelenin après lui avoir donné l'ordre d'agir le plus promptement possible. De ce château, le clou invita la Fontenelle à se rendre à leur rendez-vous habituel sans aucune escorte. Il lui faisait également savoir que lui-même s'y rendrait accompagné d'un seul domestique. Pendant la nuit, le clou eut soin d'envoyer sur les lieux une trentaine d'arquebusiers avec ordre de se tenir cachés derrière les haies qui bordaient le grand chemin. Quant à lui, à la pointe du jour, il était présent à l'endroit où devait avoir lieu ce pourparler. Peu de temps après, arriva aussi la Fontenelle, suivie de son lieutenant Laboule. Le clou et votre frère, après s'être embrassés et s'être fait mille politesses, descendirent de cheval et se mirent à parler de l'occupation de Quimper. Mais soudain, à un signal donné, les arquebusiers firent pleuvoir de leur cachette une terrible arquebusade sur Guy Hédère qui, étonné et surpris de cette détonation, fut saisi au collet et fait prisonnier. Quant à la boule, il sauta rapidement sur son cheval et s'enfuit à toute bride dans la direction de Douarnenez. Au moment même où je vous écris, votre frère arrive à Quimper. Toute la ville est dans la plus grande joie de cette capture et demande à grands cris sa tête à Monsieur de Saint-Luc. Tout le monde pense que le prisonnier va être dirigé sur Rennes et mis entre les mains du Parlement. Quoi qu'il puisse arriver, et malgré le mal que m'a fait Guyader, cependant je crois qu'il est de mon devoir de vous prévenir de cette nouvelle. Il va sans dire que du Granec n'oubliait pas Clara dans cette missive et qu'il lui consacrait quelques lignes. En terminant sa lecture, le maréchal de Lavardin conseilla au baron d'écrire sur le champ à Saint-Luc pour implorer sa pitié. Il avoua que pour lui, dans cette circonstance, il s'abstiendrait de toute démarche, car il savait que Saint-Luc avait été fort irrité de sa nomination au grade de maréchal. À l'instant même, Amaury se mit à écrire, en faveur de son frère, une de ses lettres toute empreinte de larmes où parle seul le cœur. Avant de la faire partir, il en donna communication à Lavardin.